On est à l'AG du Crédit Mutuel pour interroger des clients ou des partenaires de la banque. Oui. Bonjour, alors êtes-vous un client ou un partenaire ? Client. Dans quelle commune habitez-vous ? À Mouillon-le-Captif. Qu'attendez-vous d'une banque ? Un service déjà, un service bancaire. C'est déjà pas mal. Pourquoi avez-vous choisi cette banque ? Parce que j'étais très longtemps dans le conseil d'administration et je continue. Dès le départ, j'étais le client. Ça remonte à peut-être, je sais pas moi, une quarantaine d'années où je suis client à la banque alimentaire, au Crédit Mutuel. D'accord. Et qu'est-ce que vous appréciez au Crédit Mutuel ? La simplicité, le contact avec le personnel. D'accord. Merci beaucoup. Voilà.